dans ce monde enragé, dans l'attente de bien vieillir. Tombe sur des pièges comme une tante âgée, bienveillante pire. Je me reconnais plus dans le rire de vos gosses émerveillés. On est loin de cette époque où nous merveillons, nous comme des nourrissons. Quand je rappe fort, c'est pas la haine qui nourrit le son. Quand je gratte fort, moi j'ai la peine qui pourrit le songe. Les faux passent pour des vrais passent pour des fous. Ouais, nos vies sont des fautes, alors quand est-ce que nous mourissons? Je vous en veux pas d'esquiver mes projets musicaux. Crache des glaires sur la gloire quand tu fixes ta vie sur des icônes. J'ai vu divers cibles passer trop d'hiver dans le froid. Castivest irréversible, même mes héros sont dans l'effroi. Je vous dis sincèrement, ceux qui sincèrement montent pour finir vendus. Je vous dis à qu'en restant honnête que les SNET montre. Je vous fais pas la morale, je tente de laisser ce mot pour nos gosses. J'ai tout fait pour étoffer ces mots, étouffer leurs mots sur nos boss. Sur nos boss. Sur nos boss. Quand je rappe fort, c'est pas la haine qui nourrit le son. Quand je gratte fort, moi j'ai la peine qui pourrit le songe. Quand je rappe fort, c'est pas la haine qui nourrit le son. Quand je rappe fort, c'est pas la haine qui nourrit le son. Quand je gratte fort, moi j'ai la peine qui pourrit le songe. Quand je rappe fort, c'est pas la haine qui nourrit le son.